qui est semblable à toi, ô Dieu. Cette mélodie est pour toi et pour toi seul. Et pour toi seul. Ta puissance. Des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu nous as convoqués dans ton royaume. Tu as fait de nous les membres de ton royaume. Tu as résolu d'ouvrir les ciels sur nous. Tu as décidé. Merci Saint-Esprit pour le suivi individuel et collectif. Merci Saint-Esprit pour tes œuvres. Merci pour ta parole Seigneur, alors que nous sommes devant toi, ce soir je prie que tes œuvres se manifestent, car nous avons trouvé grâce devant toi. Aide-nous, Seigneur, à progresser encore dans les eaux profondes de ta connaissance. Amène-nous dans les profondeurs de ta connaissance. Amène-nous dans les profondeurs de ta présence. Amène-nous, ô Dieu, près de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous nous asseyons devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel décide d'ouvrir son ciel, suite, nous voulons aborder un deuxième chapitre. Mais avant de l'aborder, je voudrais réfléchir avec nous ensemble pour que nous puissions bien comprendre où nous allons. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu jusqu'hier le portrait d'un ciel ouvert sur un bien-aimé de Dieu. Nous avons vu en long et en large comment ça se passe. Qu'est-ce que Dieu prévoit et quelles garanties Dieu accorde. Et si tout dépendait de moi, on allait finir les eaux profondes d'hier. Mais comme Dieu veut aller avec nous jusqu'au 15, nous voulons entamer la phase décisive. Parce que tout le monde voudrait bien vivre ce que nous avons vu jusqu'hier. Connaître ce que nous connaissons maintenant est une grande richesse. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Nous avons écouté la parole de Christ. Et la foi est déjà là. En fait, pour certains, elle est déjà là pour tous. Pour tous. C'est l'idéal. Mais maintenant, Seigneur, tu nous dis que tu peux faire ça pour un homme. Et alors moi, c'est ça la question suivante. Si tu peux faire tout ça pour un homme, jusqu'à assurer même sa descendance. Seigneur, quel est mon cas? Bwana, mimi sasa, yangu ni nini? Nous sommes ensemble. Je, tuko pamoja? Est-ce qu'on se retrouve? Je, tunajipata? Je vous ai dit au début de la semaine, niliwaambia kwa mwanzo ya wiki, Dieu ne nous a pas appelés dans ce programme Mungu akutuita ndani ya mkutano huu pour juste nous bourrer de connaissances. Ili tu atujaze na ujuzi. Il nous a appelé cette fois-ci. Alituita marahaba. pour nous aider à faire des pas de plus. Ili atusaidie kufanya hatua. Pour aller de A vers B. Ili tutoke nafasi fulani kwenye nafasi. Non pas pour espérer que B arrivera. Hapana kutumaini ya kwamba nafasi. Mais Dieu désire nous y amener. Lakini Mungu anahitaji atupeleke huko. C'est pourquoi on va parler sérieusement. Na ndio maana tutazungumza kikweli. Et je voudrais que chacun d'entre nous. Na ningependa kila mmoja wetu. Amène son cœur à surface. Alete moyo wake juu. Nous sommes souvent blindés mara tunakuwa kama vile tunafungwa par toutes sortes de considérations na ile kujitapa yoyote, de sorte que même quand Dieu veut nous amener dans ses œuvres, na hata wakati Mungu anahitaji atupeleke ndani ya, c'est-à-dire dans l'effectivité de ce qu'il est en train de dire, ni kusema ndani ya ukamilifu ya ile ambayo anayosema, quelquefois ça ne vient pas mara haikuje. Si quelqu'un a vu la parole de Dieu qui nous a été annoncée jusqu'hier, il a besoin d'entrer dedans. Lorsque Dieu est en train d'essayer de façonner Abraham par rapport au ciel ouvert et aux perspectives de ce ciel ouvert, il constate que Abraham ne comprend pas. C'est rare d'obtenir ce que nous ne comprenons pas. Et c'est rare d'avoir la foi des choses que nous ne connaissons pas et que nous ne comprenons pas. Et Dieu y a compris ou perçu cela dans Abraham. Il dit, bon, ok, Abraham, qu'y a quoi? Il a appelé d'abord Abraham. Il lui dit, viens. On va sortir un peu. Kuja hapa tutaenda. Et il fait sortir Abraham. Namtosha Abraham. Et puis il dit, Abraham, lève la tête. Na kisa namwambia Abraham, Abraham lève la tête. Il dit, regarde. Compte-moi ces étoiles. Anamwambia hesabu hizi nyota. Je t'ai parlé tout à l'heure de ta descendance. En fait, si tu peux compter ces étoiles, alors tu comprendras ce que j'essaie de te dire, Abraham. Je ne sais pas si Abraham a essayé de compter. Parce que même nous aujourd'hui, si on nous dit de compter, on ne saura pas compter. Pendant que tu es encore à 15, et ceux qui ont les yeux jeunes, ils peuvent aller jusqu'à 100. Mais après, c'est la sorte de vertige. On va compter 1, 50, 80, 100. Et puis on commence à compter les mêmes étoiles deux fois. Et tu te racontes que, ah, mais ça j'ai déjà compté. Et puis tu te demandes si c'est un nouveau, si c'est un autre. L'univers infini de Dieu. Merci Seigneur. Tu es si grand. Dieu nous parle et nous donne des révélations. Mais même quelquefois, lorsque nous avons une révélation, nous ne la comprenons pas. C'est comme ça que vous voyez des bien-aimés aller chez des serviteurs de Dieu et dire, homme de Dieu, Dieu m'a révélé que... Et puis il pose la question suivante. Qu'est-ce que ça peut signifier? C'est toi qui as eu la révélation. Dieu t'a révélé. Donc quelquefois, nous sommes exposés à des réalités spirituelles et nous ne les comprenons pas. Ou alors nous ne savons pas comment y entrer. C'est pourquoi je voulais réfléchir avec vous sur ces éléments avant de passer au chapitre suivant. Que chacun de nous amène son cœur à surface pour poser à soi-même la question. Seigneur, Ciel ouvert, d'accord. Mbingu inayofunguliwa ndio. Quel est mon cas? Mimi yangu ni nini? Quel est mon cas? Yangu ni nini? Et il faut que tu sois capable. Na inaomba uwe na uwezo. D'arriver à comprendre quel est ton cas. Ya kufikia uelewa ya nini? À percevoir quel est ton cas. Uelewa yako. Parce que si tu ne comprends pas ton cas, sababu kama uelewa yako ni gani? Tu vas faire comme Pierre. Utafanya kama Petro. À la montagne, la transfiguration. Kwenye mlima wa kugeuzwa sura ya Yesu. Il constate anagundua que Jésus parle avec Moïse, Yesu avec Élie. Yesu anaongea pamoja na Musa na Elia. C'est beau. Inakuwa ya kupendeza. Il dit cet environnement est intéressant. Anasema mazingira haya ni mazuri. Le ciel est ouvert ici. Mbingu inafunguliwa mahali hapa. Et Pierre dit à Jésus. Na kisha Petro anamwambia. Construisons trois temps. Tuchenge hapa mahema matatu. Une pour toi. Moja kwa ajili yako. Pour Eli, moja kwa ajili ya Elia. Pour Moïse. Na moja kwa ajili ya Musa. Sasa toi tu vas dormir chez qui? Sasa wewe utalala kwa nani? Peut-être que Pierre. Sasa moja Petro. Pierre était avec Jacques et Jean. Alikuwa pamoja na Yakobo na Yohana. Parce que Jésus a amené ses amis là en aparté. Sababu Yesu aliwaleta wale. Il est possible que Pierre a réfléchi comme ceci. Inawezekana Petro alifikiri hivi. On construit une tente pour Jean, pour Élie. Wanajengea Elia hema moja. Bon, toi Jacques, unakuwa sentinelle. Wewe Yakobo utakuwa mlinzi zamu pale. On construit pour Jésus. Wanajenga kwa Yesu. Ya Jésus mimi ndio nitakuwa sentinelle yake. Je serai sentinelle à la tente de Jésus. Je vous ai raconté l'histoire d'un monsieur qui a été exposé à une opportunité de rencontrer un grand homme riche. Et quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Niliwaelezea habari ya mtu mmoja ambaye alipata fursa ya kukutana na mtu mtajiri mkubwa na kisha walipomuuliza swali tunaweza kufanya nini? Pour moi. Alisema kwa ajili yangu. Je vais habiter ici. Nahitaji tu nikae hapa. Dans la guérite. Ndani ya nyumba ya choo. Ya zamu. Donc pour lui la guérite c'est alléluia. Ni kusema yeye akikaa ndani ya nyumba ya zamu kabisa Mungu asifiwe. Donc basi inatosha. C'est suffisant. Or l'ami qui l'a amené, qui était enfant de ses boss, avait l'intention de solliciter qu'on lui fasse étudier. Alikuwa na tamani aseme kwamba amsomeshe. Pour lui. Lakini kwake. Rester ici en train d'admirer la maison. Abaki tu hapa akiangalia. Ouvrir pour le boss quand il arrive. Afungulie boss anapofika. Njo alléluia. Hapo Mungu asifiwe. Il a une révélation. Anaufunuo. La possibilité de connaître un avenir de gloire est arrivé et c'est sur sa main. Uwezo wa kupata ujao wenye utukufu iko mkononi mwake. C'est une révélation. Ni ufunuo. Il n'a jamais pensé à ça, il n'a pas prévu ça. Hajaifikiria, hajaitarisha. C'est un accès glorieux. Inakuwa ni kibali cha utukufu. Mais sa capacité de comprendre la révélation. Lakini uwezo wake wa kuelewa ile ufunuo. N'est pas arrivé. Haijafika. Quel est mon cas? Yangu, il y a des possibilités. Kuna uwezekano. Il y a des grands potentiels. Kuna utajiri kubwa. Et moi? Na mimi? Peut-être demande au voisin. Njo atasikia bien. Uliza jirani. Basi wewe. Yako. Et toi? Na wewe. Ok, lisons Ephésiens chapitre 1er. Tusome kitabu cha Efeso sura moja. Verset 16 et suivant. Mstari wa 16 na kuendelea. Alléluia. Amen. Verset 16. Mstari wa 16. À 19 il est écrit. Hadi 19 imeandikwa. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans d'autres versets, il est écrit qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qui vous le fasse connaître. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur ou les yeux de votre esprit pour que vous sachiez ou alors pour que vous compreniez, pour que vous perceviez, pour que vous accédiez à quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Maintenant, regardez. Verset 17. Esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La connaissance de qui? De Christ. Rappelez-vous, Colossiens 1, 27, il est écrit Christ en vous, espérance de la gloire. Mais c'est très synthétique, c'est très bref. C'est juste ça. Si je te dis, prends Jésus, c'est l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que tu as compris? Prends ça. C'est Jésus. Tout est en lui. C'est l'image de la révélation. Mais il faut que maintenant, l'esprit en question de sagesse illumine votre cœur, les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez lire les contenus de ce Jésus, espérance et la gloire. Voilà, amen. Nous sommes dans le monde chrétien. Beaucoup de gens ont déjà fait la prière du repentant. Ils sont venus recevoir Jésus. Et on leur a dit, prie avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Pardonne-moi. J'ouvre mon cœur, je te reçois, comme Seigneur et Sauveur, de ma vie, je te suivrai, Seigneur, tous les jours de ma vie, Seigneur. Écris mon nom dans les livres de vie. Au nom de Jésus, amen. Vous pouvez reprendre vos places. Ou aller au département d'évangélisation. Il y a certains qui s'esquivent même quand on leur dit aller à l'évangélisation. Et ils se disent, mais quoi tu pourquoi à Yesu? Et moi je suis venu ici pour recevoir. Laissez-moi. Bonne soirée. Amen. Laissez-moi. Et quand on dit, bon, ils avancent et puis ils arrivent là-bas, il y en a qui ça, on a profité par les mêles, on a toroka. Tu risques d'avoir Jésus. Unaweza kuona Yesu. Juste Jésus. Yesu tu. Il est vraiment dans ton cœur. Parce que tu étais sincère. Mais tu as besoin de l'étape suivante. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Afin que tu comprennes les détails. Ce sont les gens qui ont compris les détails qui sauront comment se tenir dans cette affaire qu'on appelle Jésus. Ce sont les gens qui ont compris, ils vont comprendre les détails, qui sauront comment se tenir dans ce ciel ouvert. Parce que tu risques d'être un sentinelle, sentinelle du ciel ouvert de quelqu'un. Unaona kagisi presence ya Mungu inamfanya presence ya Mungu inamuingizia madota sio zinakuya protection zinamkuia eh wewe uko sentinel pa c'est juste en train de voir comment Dieu est en train de les visiter comment tu admires bien bien afitika moye au juste au juste ufanya aye na wewe ikue yako tu ne sais comment faire pour que ce ciel ouvert soit pour toi aussi on fait comment unafanya namna gani. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dites Seigneur, illumine mes yeux. C'est ma voix, illumine mes yeux. Apana kutoroka, illumine mes yeux, Seigneur. Ils ne font pas s'esquiver. Vous savez pourquoi certains sont dans la vie chrétienne pendant 20 ans? Et leur vie ressemble à ce qu'elle était au début de leur conversion. Pourtant, ils ont reçu Jésus. Qu'est-ce qui a raté? La deuxième étape. Qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je comprenne les détails. Parce que quand je comprends les détails, je suis maintenant en mesure d'avancer dans les détails, de pénétrer dans les détails et de vivre les détails. Dites à ton voisin, il existe des détails. Il y a des détails. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Regardez avec moi. Tazama pamoja nami. Ésaïe 65. Isaya 65. Verset 1er. Mstari wake wa kwanza. Lorsque Dieu est exaspéré face à son peuple et qu'il attend beaucoup de son peuple, mais la réponse est minime, maigre, chétive. Wakati Mungu anahitaji aongee na watu wake, awafanyie vitu lakini jibu iko kidogo sana. Il est obligé de se tourner vers les païens. Anakuwa na surutishwa aende akawageukie wapagani. Plusieurs siècles. Dieu marche avec Abraham. Mais Dieu a l'impression qu'Abraham ne comprend pas vraiment les détails. Et il envoie son fils Jésus-Christ. Dans la famille d'Abraham. Il envoie Jésus à la maison. Mais ceux qui sont à la maison ne comprennent pas. Et Jésus est obligé de se tourner vers les gentils. Parce que ceux de la maison, et ils voient le sauveur et ils disent, le petit là, le fils du charpentier là, mais il est là, on connaît aussi ses frères, ils sont ici, non? Sana kuwa pale tunajua wa ndugu zake ambao wako pamoja na si hapa. Et puis on n'en veut pas. Na kisa hawamtaki. Et c'est pourtant le Seigneur. Ichapokuwa yeye ni Bwana. Verset 1er. Shaili la kwanza. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, mais voici, mais voici. Imaginez-vous, chers amis, celui qu'on appelle Yahweh, devant des êtres humains créatures, qui n'arrivent pas à comprendre le grand potentiel qu'il leur donne et qu'ils commencent à se présenter en disant mais voici mie onjo si mie ouyou si munikamate si mie ouyou mais voici mais voici ko Dieu Mungu, vraiment le créateur. Il se présente devant toi depuis longtemps. Il te propose des grandes choses. Et tu ne comprends pas. Il est conscient du potentiel qu'il apporte. Mais tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui manque? Qu'il illumine les yeux de ton cœur. L'illumination. La lumière. Dans mes yeux spirituels. Qu'il illumine les yeux de mon cœur. Afin que je comprenne. Mais voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Est-ce qu'on s'appelait de leur nom? Mais ça dit, mon peuple ne comprend pas. Je me tourne vers une nation qui ne me connaît pas. Parce que si je me présente devant ma propre nation, je peux leur dire, c'est moi le père d'Abraham, le Dieu d'Abraham. Ils vont comprendre mon langage. Mais comme ils ne comprennent pas, je me tourne vers les gens qui ne me connaissent pas. Et je manque les mots. Je leur dis, mais voici, mais voici. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu est tellement désireux qu'on les reçoive. Il est tellement désireux que les gens entrent dans son ciel ouvert. Il est tellement désireux que les gens comprennent qu'il leur veut du bien. Est-ce que tu peux dire à quatre personnes, Dieu te veut du bien. S'il faut même te déplacer, vas-y. Dis à quatre personnes. Mungu anakutakia mema. Alléluia. Amen. C'est dans ce diapason du grand cœur de Dieu que nous sommes dans ce programme. Nous avons affaire à un Dieu qui dit, même à un inconnu, Jésus a répliqué même cela sous forme de parabole. Et dit, j'ai invité les gens des amis pour qu'ils viennent à ma fête. Quand ils n'ont pas compris, j'ai dit à mes serviteurs, allez sur la rue et dites à ceux qui sont sur la rue, venez à la fête. Venez seulement. Il dit, prenez les estropiés, prenez ceux qui sont sales, prenez tout ce que vous trouvez. Il faut que la salle de fête soit remplie. Maintenant, Sasa, Dieu, Mungu, là-haut, au sommet de l'échelle, mungas, tu as prévu beaucoup de choses pour tout le monde. Umetayarisha vitu vingi kwa ajili ya watu wote. Tout le monde, hein? Même ceux qui seront en affaires, il y a des choses merveilleuses prévues pour eux aussi. Même ceux qui ne veulent pas comprendre aujourd'hui et qui se disent athées et qui sont dans les partis politiques du diable, leur prévision existe chez Yahweh. Et Dieu passe son temps, ses heures, ses jours, ses années, ses décennies et même ses siècles en disant à ces vastes marées des êtres humains, mais voici, il n'en est pas, Dieu dit, mais voici, 5 ans, mais voici, malheureusement, même ceux qui sont dans l'église, certains, ils fréquentent des églises, tant qu'ils n'ont pas compris, Dieu dit, mais voici. Et Dieu s'étonne de toi. Il dit, uli shakuya kwanza ta karibu. Mais voici. Jusqu'à ce que tu comprennes. Et quand tu as compris, tu entres dans les prévisions. Tu entres dans les garanties. Tu entres dans la liaison sommet et terre. Amen. Qui veut l'entrer? Alors tu comprends la requête immédiate. Seigneur, illumine l'esprit de mon cœur afin que je comprenne. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Regardez Luc chapitre 19, verset 44. Tazama kitabu cha Luka 19 mstari wa 44. Jésus entre à Jérusalem. Yesu anaingia Yerusalema. Et il parle comme ça. Nana ongea hivi. À Jérusalem. Il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Il est en train de prophétiser sur ce qui va arriver à l'an 70. Pourquoi? Parce que Sababu. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Haukujua wakati ulipotembelewa. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Unasema nini bwana? Si Israël avait compris le temps où il était visité, les siècles qu'ils ont fait éparpillés dans le monde, à partir de l'an 70 jusqu'hier à 1948, tous ces siècles-là allaient être rachetés. Vous savez, dans la vie, il faut quelquefois vous mettre dans la place de Dieu. Je vous assure. Demande au voisin. Si toi tu étais Dieu, tu allais faire comment maintenant là? Alors pose-lui la deuxième question. Si toi tu étais Dieu, tu allais me faire comment, comme tu me vois là? Est-ce que nous sommes là? Je tu quoi hapo? C'était d'entre nous. Il vient de répondre. Wamemaliza kujibu. Ningekuwa Mungu. Si j'étais toi, mimi nimekumaliza. J'allais t'exterminer maintenant même. Je vous assure. C'était d'entre nous, si on était Dieu là, on allait massacrer les gens. Les massacrer. Imagine un Dieu tout puissant qui soit réduit. Kujibembelezaka. Ajibembelezekiake weye. Wenjona. Tieki. Acha zambi hautaki. Kuya huku hautaki. Geuka haupendi. Okoka hautaki. Sois sauvé, tu veux. Alors pas. Je fais quoi avec toi? Ça n'a fait nini pas moyen à wewe. Kata. Je coupe. Hey. Il est tout puissant, hein? S'il veut te finir, c'est ça le mot qu'il faut. Si Dieu veut te finir, il te finit. Je vous dis. Mais un grand cœur, rappelez-vous, hein, nous avons parlé de la troisième façade de Dieu, c'est quoi? Sa personne. Hein? L'autre fois là. La personne là. Où l'homme peut se connecter. Mais voici, Et ces eaux profondes ici, c'est un programme que Dieu suscite juste pour avoir le temps de nous dire encore, mais voici, Et aujourd'hui, on est le sixième jour. Il est en train de dire à quelqu'un, mais voici, mais voici. Pourquoi? Il veut dire, J'ai trop de choses à te donner, mais voici. Et puis on fait sous d'oreilles. Dieu dit un jour, mon peuple a la nuque raide. Taifa langu linakuwa na shingo ngumu. Shingo isha kangala. Vous savez, si Dieu nous cherchait pour nous demander notre argent, nous aurions raison de dire, uko naomba franga yangu te. Mais il dit, mais voici pour que lui nous donne son argent. Son argent, c'est quoi? Son ciel ouvert. Il nous cherche pour qu'il y ait à tout partir. Et puis nous ne comprenons pas. Lakini hatuelewe. On ne comprend pas. Hatuelewe. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas compris les jours où ils ont été visités. Wakati walipotembelewa. Alors je vais introduire quelque chose. Nitaanza kitu kimoja. Et puis on va prier. Na kisha tutaomba. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Qui dit ciel ouvert? Anayesema mbingu inayofunguliwa. Dit sans le dire. Anasema bila kusema. Ciel fermé. Mbingu inayofungiwa. S'il y a un ciel ouvert, c'est qu'il existe de ciel fermé. Si nous devons chercher que le ciel s'ouvre, c'est qu'il existe que le ciel soit fermé. Nous sommes ensemble. Et le deuxième chapitre, c'est le fondement d'un ciel fermé. Sur la vie d'un homme. Qu'est-ce qui fait que quelquefois le ciel soit fermé pour quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme d'aujourd'hui aime les tombola bwaka. Même dans la vie chrétienne, Dieu, Mungu, tu nous prêches sur le ciel ouvert, tu nous as prêché sur le ciel ouvert, tu as ma ciel ouvert, parle, tu es tout boyé. Kufunguliwa na kisa tufanye chagulia pale. Ikwe ni kamate. Nachukua yangu. Kisha mimi natupa. Et puis je jette. Vous voyez la mentalité de l'homme aujourd'hui. Unaona mafikari ya mwanadamu leo. Même le ciel ouvert nous voulons que ce soit tombeau la boaka. Hata mbingu nayo funguliwa tunahitaji kuchukua. C'est qu'on appelle prêt à porter. Inayokuwa tayari kuvaa. C'est qu'on appelle bon, il y a pas de responsabilité. Vous savez, quelquefois on a pitié des gens qui vendent ce genre d'habits. Il arrange sa marchandise correctement. Et dès le matin, les gens viennent, ils démolissent, ils tournent, ils jettent, ils gênent, ils jettent, et puis ça devient comme une brousse. Et puis bon, il doit réarranger rapidement pour que les autres clients reviennent. Malheureusement, les clients suivants aussi viennent, ils ouvrent, ils mesurent, ils jettent, ils viennent. Et puis un ou trois ont acheté toute la journée. Il rentre à la maison fatigué. Quel était son travail? Arranger les choses que les gens ont jetées. Alikuwa anatengeneza vitu ambavyo wengine wametupa. Vous voulez que votre Dieu soit aussi un vieti? Na unapenda Mungu wako naye akuwe Mungu wa vieti. Leo nakamata Mungu, kesho namutupa. Aujourd'hui tu prends Dieu, tu le portes et puis demain tu le jettes. Si tutubu banduku. Repentons-nous, bien-aimés. On réduit Dieu. Tunampunguza Mungu. Qu'est-ce que Dieu? C'est Dieu là en fait. Ule Mungu. C'est vraiment Yahweh quoi. Le Dieu infini. Et puis Dieu toi aussi. Tu t'es tellement facilité. Pour qu'on commence à te prendre et on te jette. Et Dieu répond et dit oui. Ngoloué. Ngoloué. Ngoloué. J'ai laissé ma grâce là-dedans. Sur la terre. Et les gens qui ne comprennent pas jouent avec la grâce. Ils me prennent comme du tombola. Aujourd'hui, on est à l'église. On sort, on passe, on fait un crochet avec les amis à la vallée de l'homme de la mort. On jette Dieu quoi. On arrive au bureau, on jette Dieu. Avez-vous même vu les gens qui viennent à l'église ici? Pendant qu'on prêche, ils sont en train de chatter. Soit tu vois voisin comme il connaît. Bwana sifiwe. Amen. Ulikuwa kukanisa? Tu es venu à l'église, oui? Bali ubiri nini? On a prêché quoi? Non, le pasteur a beaucoup parlé aujourd'hui. Hein? Mchungaji aliongea sana leo. Il a pris beaucoup de temps. Kabisa alichukua muda mwingi. Quel était le thème? Non, mais tu sais, c'est quand Dieu ouvre son ciel, non? Wakati Mungu anafungua mbingu yake. Or aujourd'hui, c'était le fondement misingi d'un ciel fermé. Za mbingu inayofungwa. Et toi, qu'est-ce que tu as compris? Non, c'était fort. Oh, il est quoi, gouvo kabisa? On a été allé à Mungu na mutema. Ça a bazoka. On dirait que tu craches Dieu comme les bazoka. Aisha, Mosukari, on a tema. Lorsque le secret est fini de date, tu jettes. Et puis tu entres dans tes affaires. Quelque chose n'a plus à coup séminaire. Et puis demain, tu viens au séminaire. Ça, on a tout qu'on a mubiako. Lorsque tu rentres en et le dimanche, on a pu asubui, wenjo na kuwa wakwanza. Et le dimanche, tu viens au premier kilt, à la première chaise. Tu aimes la forme. On a peine de naionekana. La forme du christianisme. Et au Christ on naionekana. La forme. Naionekana. Nous les chrétiens, nous sommes ponctuels. Ah, si c'est au Christ, au kabisa, tu n'as fait qu'à quoi muda. Et tu fais quoi avec ce que tu dis là? Non, on a fait rien. Et tu fais quoi avec Dieu en fait? Dieu lui-même là. Pamoja na Mungu yeye mwenyewe kwanza. Bienye tout quoi mon ma forme. Les choses dans lesquelles nous sommes, on s'assoit bien, on dit bon maintenant vous asseyez-vous et puis un monsieur se lève et il commence à parler pendant une heure et puis termine, il dit bon levez les mains et puis il dit bon suivez-moi et puis on termine et puis on rentre et puis on dit notre église est bon puis, mais qu'est-ce, qu'est-ce que tu connais de Dieu? Lakini wewe unajua Dieu là, kwa Mungu. Dieu est où dans Mungu ta vie? Mungu yuko wapi maishani mwako? Dieu est où? Mungu yuko wapi? Et pourquoi il n'est pas là? Na sababu gani haiko? Quels sont les fondements? Ni nini misingi? Qui te font échapper, qui te font rater ambazo Dieu, kwamba ukose Mungu. Qui te font rater le ciel ouvert ambazo sinafanya kwamba ukose mbingu na yofunguliwa. Il y a plusieurs fondements. Kuna on va partager sur quelques-uns ambazo tutazungumzia moja wapo. Et je vais aborder le premier en introduction aujourd'hui. Na leo kwa kuanza nita ongea juu ya kwanza. La désobéissance. Ni kukosa kutii. Ama kuasi. Dites désobéissance. Sema kuasi. Genèse chapitre 2 verset 16 à 17, 15-16. Mwanzo. Genèse chapitre 2. Mwanzo sura 2. Mstari wa 15 16. Regardez comment ça commence au jardin d'Eden. Tazama namna gani mambo inaanza kwenye bustani ya Eden. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Dieu parle ici, le ciel est encore ouvert. Mais il laisse une instruction. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Enlève les conditions, Seigneur. Beaucoup d'entre nous, ils voudraient dire: Seigneur, enlève les conditions. Bénis-nous seulement. Tu as déjà ouvert le ciel. Pourquoi tu mets des conditions? Enlève ça, Seigneur. Mais dès le commencement, Dieu, c'est un Dieu de principe. Il lance les bases. Il lance les fondements de sa relation avec l'homme. Et ces bases ont comme finalité donner de la valeur à quelque chose de merveilleux et de mystérieux qu'il vient d'opérer dans la création. Le libre arbitre. Pourquoi l'homme, créature homme, est particulier et spécial? Qu'est-ce qui nous différencie des autres créatures? Premièrement, créé à son image. Et deuxièmement, le libre arbitre. Et c'est du libre arbitre que est fondé le principe de l'obéissance ou de la désobéissance. C'est-à-dire, je t'ouvre mon ciel, mais voici le premier principe: obéir. Tu veux rester en relation avec moi, accepte librement et volontairement d'obéir. Kubali kwa uhuru na kwa hiari yako kutii. Vous vous rappelez? Unakumbuka? Librement et kwa uhuru na kwa hiari. Les gens vont aller au ciel. Watu wataenda mbinguni kwa uhuru wao. Les gens vont aller en affaires. Watu wataenda ndani ya moto kwa uhuru na kwa hiari yao. Les gens vont avoir le ciel ouvert. Watu watapata mbingu nayo funguliwa et kwa uhuru wao na kwa hiari yao. L'obéissance, c'est un grand fondement, frères et sœurs, dans la marche avec Dieu. Quiconque a essayé de marcher avec Dieu et a mis de côté l'obéissance, il n'a pas fait long feu avec Dieu. Même maintenant, Si tu as la grâce, kama una neema, ou tu obtiens ama unapata, que le ciel s'ouvre sur toi et que tu mets de côté l'obéissance, utiivu, ton ciel va se fermer bientôt. Mbingu yako natafuta kufungiwa hapa karibuni. Le Saint-Esprit est en train de vous expliquer. Roho Mtakatifu iko na wafasiria. Je prie que l'Esprit illumine notre intelligence. Naomba roho aangazie macho ya roho yetu, akili yetu. Comprendre cela. Ili tuelewe hii. La désobéissance. Uasi. Ferme le ciel. Inafunga mbingu. Au chapitre 3. Kwa shaini la 3. De Genèse. Sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo. Malheureusement, bahati mbaya, Eve, Eva rencontre le serpent. Anakutana na nyoka. Et désobéit à ça. Na anaasi hii agizo. Elle a désobéi librement et volontairement. Aliasi kwa uhuru wake na kwa kutaka kwake. Regardez au premier verset, chapitre 3. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, non, nous mangeons du fruit des arbres. Mais quant à le fruit, là, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Ève, est-ce que tu sais? Oui, je sais. Eva, je unajua, ndio ninajua. Tu réponds quoi à Satan? J'ai dit à Satan que Dieu a dit, il ne faut pas faire ça. Si nous le faisons, voici les conséquences. Mais Ève, tu as la révélation. As-tu l'illumination? Je unaangaziwa humo ndani ya kujuelewe. Pour que tu comprennes que c'est grave et dangereux d'essayer de naviguer à cet endroit-là. Paul a dit aux hommes Paulo kawaambia watu et aux femmes, wanaume na wanawake, les paniers de souffrance passe nous pouvons mettre. Vitunga vya sadaka. Il a dit, akasema, fuyez l'impudicité. Kimbieni uisinifu. C'est-à-dire, il y a certaines choses. Inamaanisha kuna vitu. Ok, il faut pas jongler avec. Ambavyo aombe kucheza pamoja navyo. Et il faut pas s'amuser autour. Aiombe kuchezea karibu. Oh, tu es belle. Oh, komrembo. Alléluia. Mungu mais toi là, quand vraiment Dieu t'avait créé le premier en Afrique. Wewe kabisa, Mungu alikumba tu commences, unaanza weye. Unaanza. On ne joue pas autour. Hawachezi yake karibu. Au fuit. Wanakimbia. Dites fuyez. Sema kukimbia. Et Eve est au courant. Elle donne la réponse correcte. Anapana jibu ya kweli. Mais elle s'amuse autour. Lakini iko na chezea tu pale karibu. Elle accorde à Satan de poursuivre son biashara. Na nampatia shetani fursa ya kuendelesha biashara yake. Et vous voyez ce que Satan lui dit ensuite. Na unaambia ona ile ambayo shetani anamwambia baadaye. Quand Satan constate. Shetani anapogundua. Que Eve est disposée. Ya kwamba Eva iko tayari. Écoutez. Kumsikiliza. Ndio mwanasemaka kutia litoi. Ah. Eve akatia litoi shetani. Akampatia shetani masikio. Souvent dans le monde ici on comprend ça à l'inverse. Ndani ya ulimwengu huu wanaelewa kutia litoi signifie parler dans l'oreille de quelqu'un. Wanasema ça c'est pas kutia litoi. Kutia litoi c'est quelqu'un là qui tia son litoi pour que toi tu mettes les choses dedans. Ni ule mwingine ndiye iko naweka sikio lake ili na wewe uweke mambo mo ndani. Eve anatia litoi shetani. Na Eva anaanza kumtia litoi shetani. E shetani anamupa masikio. Akafanya nini? Na shetani anafanya nini? Verset 3. Shaili la 3. Verset 4. Shaili la 4. Le serpent dit à la femme. Nyoka anamwambia mwanamke. Vous ne mourrez point. Hapana, hutakufa. Vous voyez, je vous ai expliqué le point là. Point signifie pas, pas, pas. Kamwe na manisha, apana, apana, apana. C'est la négation continuelle. Inakuwa ni kukatai inayoendelea. vous ne mourrez point. Donc ça n'existe pas. Mais Ève, na Eva, qu'est-ce qui t'arrive? Nini nakufikia? Et puis, Shetan anatia, litoi, anatia ndani ya litoi. Et Satan continue à mettre dans l'oreille. Et dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous, vos yeux s'ouvriront. Lakini Mungu anajua mtakapokula, et vous serez comme les dieux connaissant le bien et le mal. Écoutez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous avez votre Bible? Regardez cette phrase-là, je vais vous montrer quelque chose. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'illumination qui vous permet d'accéder aux détails de la chose. Même Satan connaît ses principes et Satan applique ses principes ici. Il dit quoi? Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vous aurez de l'illumination. Mais quelle illumination tu nous proposes, Satan? Ici, vous aurez de l'illumination. Et vous connaîtrez que vous êtes des dieux qui connaissent le bien et le mal. Dès que Satan illumine les yeux de l'intelligence de Ève, macho ya akili ya Eva, le verset suivant dit, Shaili la kufuata inasema, alléluia. Amen. Regardez. Tazama. Le verset 6. Shaili la sita. La femme mwanamke vit. Akaona. Qu'il illumine les yeux de votre intelligence. Angazie macho ya akili. Maintenant, Satan vient de donner une illumination de son côté. Na sasa Shetani anamaliza kupana kuangazia kwa ngambo yake. Une illumination de la mort qui conduit à la mort. La femme vit que l'arbre était. Comment? Namna gani? C'est elle était bon. Ilikuwa mzuri. Bon à manger. Ilikuwa mzuri kwa kukula. Agréable à la vue. Ilikuwa inapendeza kwa macho. Et qu'il était précieux. Na kwamba ilikuwa kabisa ya samani. Pour illuminer les yeux. Ilikuwa ya samani kwa kufungua macho. Qu'est-ce qui a gagné Eve? Nini ambayo ilimpata Eva? Cette affaire de l'illumination. Hii kitu cha kuangaziwa. Mais une illumination diabolique. Lakini kuangaziwa ya kishetani. Une illumination maléfique. Kuangaziwa ya mbaya. Qui est à la base de nos malheurs aujourd'hui. Ambo inakuwa chanzo cha mateso yetu leo. Et Eve, na Eva, a les yeux illuminés. Anakuwa na macho nayo angaziwa. Et il comprend na les détails. Inayokuwa ndani. Écoutez-moi. Lorsque l'être humain comprend les détails, l'étape suivante, c'est une décision. Si durant ce programme, tu comprends les détails, parce que le Saint-Esprit va illuminer les yeux de ton cœur afin que tu comprennes ce qui est attaché au ciel ouvert, l'étape suivante, c'est une décision profonde et sérieuse. Et ta vie ne sera plus la même. Bwana asifiwe. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Je mungali hapo. Vous êtes fâché contre moi? Meni kasirikia. Quelqu'un est en train de dire dans son cœur, « Message, allez, oui, qu'il y a huzuni. » S'il fallait atouongele, ça va djana, ça s'atouanze, kukamata ciel ouvert. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, « Le message d'aujourd'hui est triste, il fallait que le pasteur nous parle comme hier, si on a, et que nous possédions le ciel ouvert. » Si Mouika le bien, il faut bien vous mettre sur une chaise. Oh, Mouika le bien. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Vous ratez la compréhension d'aujourd'hui, vous risquez de tout rater. Je vous dis vrai. Nawaambia kweli. Elle prit de ce fruit, elle en mangeant, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Et les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Vous aviez besoin d'ouvrir les yeux avant que Satan arrive pour voir le contenu de cette affaire-là du côté de Dieu. Maintenant vos yeux s'ouvrent et vous comprenez votre malheur dans laquelle vous venez d'entrer. Conséquence, tu kimbies et ils ont fui Dieu et le malheur est arrivé jusqu'aujourd'hui. C'est à partir d'ici que beaucoup de nos requêtes trouvent leur raison d'être. Si cette étape n'avait pas eu lieu, on n'aurait pas de requêtes aujourd'hui. Nos requêtes tirent leur base et leur fondement d'où? De la désobéissance. Ça veut dire aujourd'hui, si tu es dans une vie de désobéissance, il est possible que tu es en train de créer la tombe de ta progéniture. Ils auront beaucoup de requêtes dans 50 ans, dans 200 ans. Parce qu'aujourd'hui, tu as choisi la désobéissance. Ils vont souffrir. Leur ciel sera fermé. Parce qu'un jour, tu n'as pas compris ce qui était attaché à ta vie le jour où tu as été visité. Et il est écrit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois, arrêtons-nous ici. On va mieux continuer demain, sinon on va y aller trop dardard. Allons-y, levons-nous s'il vous plaît. Tusimame tafadhali. Quelqu'un a gagné quelque chose ce soir? Kuna mtu amepata kitu jioni ya leo? J'aimerais que trois personnes s'avancent ici. Ningependa watu tatu wasogee hapa mbele. Et nous témoignent rapidement. Na watushuhudie haraka. Ce qu'ils ont compris jusqu'aujourd'hui. Ila ambao wameelewa hadi leo. Qui va être la première? Nani ambaye anahitaji kuwa wa kwanza? Venez, vous allez introduire le moment de la prière. Mkuje mtaanza hii wakati wa maombi. Trois personnes, venez. Watu tatu mkuje. Dites-nous ce que vous avez compris depuis dimanche jusqu'à ce moment. Tuambie ile ambayo mumeelewa tangu siku hiyo. Comment vous avez compris ça? Hadi sasa mumeelewa namna gani? Karibu. Levons-nous. Tusimame. Qui va s'approcher la première? C'est possible que personne n'a rien compris. Personne n'a compris. Ni kusema hakuna mtu aliyeelewa. Yeah. Kuja. Trois personnes. Watu watatu. Je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. La troisième personne. Mutu watatu. Seigneur, prends soin de moi. De moi. J'ai. La troisième personne, venez Mutu watatu. De toi seul. Je ne suis rien. Tu. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Tu es ouvrir le micro. Tu as deux minutes. Alléluia. Je n'ai pas été là le dimanche, j'ai été là depuis le lundi. Ce que j'ai compris avec le thème, c'est que Dieu a toujours prévu un ciel ouvert et la manière dont on a commencé était merveilleuse. Dieu a voulu montrer à chacun c'est quoi le ciel ouvert, c'est quoi ce que je suis en train de te donner. Et ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que la connaissance à elle seule ne suffit pas, il faut aussi la révélation. C'est comme si Dieu venait et donnait à chacun un téléphone. Si tu n'as pas la révélation de l'utilisation du téléphone, tu pourrais l'utiliser comme une latte en classe. Quelqu'un d'autre l'utiliserait juste comme un miroir pour se mirer. Quelqu'un d'autre irait le déposer sur le bureau de sa chambre, juste comme un embellissement là et ne sait pas ce qu'il a. Mais quand tu as la révélation de ce que Dieu te donne, tu pourras bien utiliser ce téléphone que Dieu te donne. Et le ciel ouvert qui nous a été donné, qui nous a été montré, que Dieu a prévu pour nous, ce n'est pas une histoire de la Bible. Et pour la plupart, nous avons cru comprendre que ce ciel ouvert, c'est seulement je vais prier le ciel ouvert, j'aurai l'onction, je pourrai guérir les malades et tout. Mais je voudrais nous expliquer une chose. Je l'avais compris avant-hier, c'est que lorsque Dieu créait, nulle part dans la Bible, on ne nous dit que Dieu a créé l'or. Mais lorsque Dieu créait, l'or a été placé dans la création. Et donc, dans le package qu'on nous a donné ici, peut-être qu'il n'a pas été dit, tu auras le travail, tu vas travailler ici ou là. Mais ce que je voudrais nous dire, c'est que Dieu peut donner une seule phrase. Mais cette phrase contient tellement de choses que tu ne pourras le comprendre qu'en l'expérimentant. Merci, frère. Alléluia. Oui, maman. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a parlé à travers sa parole. Dans le thème qui avait commencé depuis le dimanche, moi, ce que j'ai retenu, c'est que nos prières, ce ne sont pas nos prières qui créent des choses pour nous. Nous avons déjà un paquet que Dieu a prévu pour nous avant la fondation du monde parce que la parole de Dieu dit qu'il nous connaît avant même que nous soyons conçus. Il y a déjà un paquet qui est prévu pour nous, mais avoir accès à ce paquet-là, ça dépend aussi de nous, parce que nous sommes avec les anges comme Jacob. On dit que les anges, ils montaient, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà, ils sont déjà avec nous. Maintenant, ça ne dépend que de nous pour qu'ils puissent monter et qu'ils puissent descendre pour nous ramener ce que l'Éternel a prévu pour nous. En ce jour aujourd'hui, ce qui m'a vraiment béni, c'est que nous pouvons aussi, le ciel il est, Dieu a prévu des choses pour nous, mais il pourrait arriver que le ciel soit fermé à cause de notre désobéissance. Et ce qui m'a vraiment aussi frappé, c'est que tout notre paquet, c'est pour aussi nos enfants, les enfants de nos enfants. Donc nous devons vraiment préparer la voie pour que ça soit vraiment ouvert, pour qu'ils ne souffrent pas beaucoup. Amen. Merci maman. Merci maman. Merci pour la parole. J'aimerais dire deux minutes. Oui, deux minutes. Merci. J'aimerais dire que depuis qu'on a commencé, j'ai compris qu'en fait, il y a certaines prières qu'on fait et que Dieu n'exauce pas cela, pas parce qu'il ne veut pas, pas parce qu'il n'est pas, pas parce qu'il est sourd, mais c'est parce que juste, on n'est pas dans notre localisation, ce n'est pas dans le domaine où il nous attend, où il veut que nous soyons. Et ce domaine-là, on nous a parlé, c'est la localisation. Pour que nos prières soient exaucées rapidement, nous devons... Il faut que ce prière-là rencontre la volonté de Dieu et soit conforme au domaine, soit conforme aux normes de notre localisation. Et je voulais rajouter aussi que de tout ce qu'on nous a parlé sur la désobéissance d'aujourd'hui, j'ai compris que la désobéissance est quelque chose de très grave et que nous devons tous prendre conscience de cela pour mieux avancer et pour mieux et pour mieux connaître en fait des avancées. Si tous ces grands dont nous parlons aujourd'hui, David, Jean, Jésus, toutes ces personnes-là, s'ils ont pu avancer, connaître réellement des avancées et avoir permis à ce que Dieu parle d'eux et qu'on parle d'eux jusqu'à aujourd'hui, c'est juste par la seule raison qu'ils ont, ils ont pris conscience, ils ont été obéissants, ils ont vraiment compris dans leur esprit qu'en fait, ils devaient et ils doivent l'obéissance à Dieu, car il était créé sans l'obéissance, il est impossible de... Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà. Merci. Merci. À santé. Alors, chacun va prendre 2 minutes pour parler à Dieu de ce qu'il a compris. Tu vas dire, Seigneur, j'ai compris ceci, j'ai compris ceci. Et deuxièmement, Seigneur,